إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est rendu aujourd'hui au on a commencé à expliquer al-asl al-thalith, le deuxième fondement parmi les trois fondements de l'islam que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué dans son livre Al-Usul al-Thalatha. Puis ce deuxième fondement, c'est le fait de comprendre ou de connaître l'islam avec ses preuves, connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Le Cheikh, il explique que la religion de l'islam, elle est divisée en trois degrés. Et on a parlé de ça dans les cours précédents. On a parlé de ça, les trois degrés de l'islam, lorsqu'on a expliqué les différents degrés de l'adoration ou les différentes formes d'adoration. Donc le cheikh il explique wa huwa thalath maratib al-islam wal-iman wal-ihsan. Donc la religion de l'islam est divisée en trois degrés: le degré de l'islam, le degré de al-iman et le degré de al-ihsan, et chacun ont des piliers, chacun de ces degrés là à des piliers. Le cheikh il dit wa huwa thalath maratib, donc il explique ay anna ad-din thalath maratib, islam wa iman wa ihsan wa kullu martabatin laha arkan, yani chaque degré il a un des piliers. Fa arkanu al-islam al-khamsa aw fa arkanu al-islam khamsa wa arkanu al-iman sitta wa ruknu al-ihsan wahid. Donc il y a 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi et un pilier de l'ihsan. Et on les a expliqués dans les cours précédents. Mais il dit, il n'y a pas de mal de répéter ou de le revoir encore une fois en résumé. Donc il dit, فأركان الإسلام خمسة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Donc, il explique les cinq piliers maintenant. فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وسبق أن عرفنا أن لشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات وهذا مدون فيما سبق فيما قد سبق. وعلى العموم فمعناها النفي والإثبات, فجملة لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله, وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. Donc le cheikh il explique que les piliers de l'islam sont de 5, le témoignage de la ilaha illallah, on l'a expliqué. Et le cheikh il dit que on a su également que le témoignage de la ilaha illallah, il a des piliers, il a des conditions, il a des droits et il a des perfectionnements, des choses qui viennent le compléter. Mukammilat. Et on a déjà écrit ça, on a déjà parlé de ça précédemment. Donc, de façon générale, on a dit que la signification de la ilaha illallah, c'est la négation et l'affirmation. La ilaha, c'est la négation, et ça nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et illallah, c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Et yani que rien d'autre que lui doit être adoré. D'accord? Ensuite, il dit le Cheikh wa hiya shahadatu anna Muhammadan rasulullah ruknun wahid wa laysa ruknayn wa ma'a dhalika illa wa ma dhalika illa li talazum ash-shahadatayn ilman wa amalan. Ya le frère Maïga qui me disait l'autre jour je ne me rappelle plus dans quel contexte on parlait de ça, mais il parlait d'un jeune qui était en train de donner un cours sur, sur l'islam, puis il disait que les piliers de l'islam sont de 5. Alors il commençait, il disait « La ilaha illallah », il comptait un pilier, après « Muhammad Rasulullah », il comptait un deuxième pilier, après la salat, la zakat, le sawm et le hajj, là il arrivait à 6. Alors là il recommençait, il faisait la même chose encore, puis il s'est trompé. Ouais, alors il comptait Shahadatel, il comptait pour 2. Donc ça c'est sûr que c'est pas correct. Le cheikh il dit c'est un seul pilier, même s'il y a 2 parties, La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, mais c'est un seul pilier, c'est pas 2 piliers. Il dit parce que les deux Shahada, le témoignage de La ilaha illallah et le témoignage de Muhammad Rasulullah, eh bien ils s'impliquent l'un l'autre, hein. Et les deux, c'est la connaissance et l'application. Il dit فَلَا تُقْبَلْ وَلَا تَتِمُّ شَهَدَةَ أَنْ لَا إِلَهِ اللَّهِ إِلَّا بِشَهَدَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا تُقْبَلْ الثَّانِيَ إِلَّا بِالْأُولَى. Donc le cheikh il dit que tu ne peux pas compléter la ilaha illallah sans Muhammad Rasulullah, et tu ne peux pas non plus avoir le premier la ilaha illallah sans avoir le deuxième Muhammad Rasulullah. Les deux vont ensemble et tu ne peux pas les séparer les deux. Après il dit ومن هنا فهما ركن واحد وإذ إن من شهد أن لا إله إلا الله لزمه أن يشهد أن محمد رسول الله لأن الله هو الذي أرسله وامتن برسالته على الأمة ومن شهد أن محمد رسول الله لزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله لأن الله هو الذي أرسله فصاحب الشهادتين آمن بالمرسل وآمن بالمرسل. Aminun bil mursel wa aminun bil mursel. Al mursel, c'est qui? Al mursel, man huwa? Et al mursel, al rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez en arabe, comment tu changes juste une voyelle, une haraka, puis ça change la signification complètement. Le mursel, c'est Allah, et le mursel, c'est le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le mursel, c'est al fa'il. Et al-mursal, c'est al-maf'oul, hein, celui qui est envoyé. Donc c'est pour ça que la langue arabe, c'est important de la connaître. Sinon, là, tu vas lire ça, tu vas pas le comprendre comme il faut. Hein? Parce que si tu mets pas les voyelles, les deux s'écrivent de la même façon. Hein? Donc c'est pour ça, c'est important de connaître ça. Et donc le cheikh, c'est ce qu'il dit. Il dit tu dois témoigner les deux témoignages, et les deux sont un seul témoignage, sont un seul pilier, et les deux vont ensemble, comme il a dit tout à l'heure. Donc là, parce que Allah c'est lui qui a envoyé le messager, et donc celui qui a établi les deux témoignages de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, il a cru en celui qui a envoyé et celui qui a été envoyé. Après il dit wa aqama as-salat. C'est-à-dire la salat. وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَهِيَ الرُّقْنُ الثَّانِي وَالْمُرَادِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ بَدْءًا بِطَهَارَتِهَا وَمُرُورًا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَالْكَيْفِيَةِ الَّتِي شَرَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَقَالَ لَنَا صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Donc le deuxième pilier, c'est le pilier de la salat. Et qu'est-ce qu'on veut dire par établir la salat? C'est de venir avec cette salat de la manière qui a été légiférée, en commençant par la purification, en passant par les piliers de la salat, les conditions de la salat, les obligations de la salat, et en la faisant de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment la faire, par sa parole et par son action. Et il nous a dit « Priez comme vous m'avez vu prier », comme c'est rapporté dans le hadith. Après, le cheikh, il dit « wa ita iz-zakat ». Ça, c'est le troisième pilier, c'est la zakat. Et il dit « wa al-murad bi ita iz-zakat al-mal al-makhsous min al-mal al-makhsous min al-naqdain wa urud al-tijara wa bahimat al-an'am wa al-kharij min al-ard li ta'ifatin makhsousa zakarahum Allahu سبحانه وتعالى في سورة التوبة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية التي تضمنت ذكر الأصناف al-thamaniya. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par la zakat, c'est un bien particulier qui est extrait, c'est un argent ou un bien particulier, spécifique, qui est tiré d'une partie de ton argent spécifique, que ce soit de l'or ou de l'argent, ou bien de qu'est-ce qui prend sa place, de la monnaie qu'on utilise, ou bien des choses que tu as pour faire du commerce, comme un rou de tijara, la marchandise que tu as dans ton magasin que tu veux vendre, hein, et bahimatul an'am, c'est-à-dire le bétail que tu possèdes, tu dois donner la zakat là-dessus aussi, et al-kharij min al-ard, qu'est-ce qui sort de la terre, soit des fruits secs ou des céréales, du blé ou des choses comme ça, que tu donnes la zakat là-dessus. Et donc ça c'est donc l'argent que tu dois sortir, les différentes catégories d'argent que tu peux que tu dois payer de la zakat dessus si tu as atteint le montant à partir duquel ça devient obligatoire pour toi, c'est-à-dire le nisab, et à la période que ça devient obligatoire pour toi, c'est-à-dire quand ça fait une année, hein, que tu l'as cet argent-là, et c'est sur le surplus donc de ton argent. Et puis après il dit les ta'ifatun marsousa, c'est-à-dire c'est pas à tout le monde ou à n'importe quelle personne que tu vas donner la zakat, c'est à une catégorie de personnes bien précises, bien spécifiques, et ils sont mentionnés, Allah les a mentionnés dans surat At-Tawba, dans surat At-Tawba le verset 60, il a mentionné les 8 catégories de personnes une à une. Il les a énumérés. Et il commence par les fuqara et les masakin. Et Allah dit innama sadaqat lil fuqara. Sadaqat, quand on l'utilise, le terme aujourd'hui, sadaqa, c'est dans le sens de qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Sadaqa, tu donnes une sadaqa aux gens, c'est-à-dire tu donnes la charité aux pauvres, des choses comme ça, c'est pas obligatoire. Mais dans le Coran ici, ça veut dire la zakat. Ça veut dire qu'est-ce qui est obligatoire. C'est employé dans ce sens-là ici. Hein? Donc il faut savoir que parfois Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme sadaqa dans le sens de la zakat obligatoire. Hein? Et il a akhir al-aya allati tadammanat, donc jusqu'à la fin du verset qui parle des 8 catégories. Ensuite, somme Ramadan. Wal muradu bis-sawm huna huwa ash-shahr alladhi farada Allahu siyamahu. وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وفرض صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس شهرا في السنة وكم من الأجر والفضل الذي رتبه الله تبارك وتعالى على صيامه وأخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Donc le cheikh dit qu'est-ce qu'on veut dire par le jeûne? On veut dire que c'est le mois que Allah nous a ordonné de jeûner, et que le prophète nous a montré la sunna de comment prier la nuit dans ce mois-là, et il nous a ordonné le jeûne à partir du lever du soleil, al-fajr al-thani, hein, c'est-à-dire l'aube, lorsque le soleil se lève. Avant que le soleil se lève, c'est-à-dire à l'aube, quand les premiers rayons du soleil commencent à sortir de l'horizon. Et en arabe, les ulama ils disent al-fajr al-kadhib wa al-fajr al-sadiq. Des fois ils disent al-fajr al-awwal wa al-fajr al-thani. Donc pour nous c'est difficile de savoir ça, parce que On n'a pas la vue facile de l'horizon à l'aube, dans les villes surtout. Mais pour voir ça, il faut être dans le désert. Pour voir ça, il faut être dans un endroit où il n'y a pas de lumière artificielle pour nous empêcher de voir. Mais sinon, les ulama ont distingué entre al-fajr al-kadhib et al-fajr al-sadiq. Ils ont dit que al-fajr al-kadhib, sa lumière, elle est comme ça. C'est-à-dire verticale au début. Mais Al-Fajr al-Sadiq, elle est horizontale. C'est-à-dire c'est une lueur, une ligne blanche là, qui arrive à l'horizon. Mais sinon, avant que l'aube arrive vraiment, on voit des lueurs qui apparaissent comme ça, mais c'est pas ça le fajr encore. Et ça, c'est selon qu'est-ce que j'ai entendu, Wallahu a'lam. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est quand il y a le fajr, la ligne blanche à l'horizon là qui apparaît, ça c'est le début de l'aube. À partir de ce moment-là, tu peux plus manger jusqu'à au coucher de soleil. Et ça c'est pendant un mois durant l'année. Et comme on le sait, c'est pas un mois fixe comme dans le calendrier grégorien chez les chrétiens qui ont un calendrier fixe. Toutes les saisons sont à la même période de l'année pour eux parce qu'ils se basent sur le soleil. Notre calendrier à nous, le calendrier islamique, il est pas fixe, il est basé sur la lune, et donc il y a pas, les mois sont pas fixés par rapport à des saisons. Ils changent chaque année de d'endroit de la. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Hassan. Inch'Allah, na'am. Ah oui, hein? Ouais, c'est vrai, subhanallah. Masha'Allah. طيب donc le cheikh il dit wa kammil al ajr wal fadl alladhi rattaba Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné beaucoup des grandes récompenses et des grands mérites au fait de jeûner ce jeûne là et il nous a informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qu'il a rapporté que celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, eh bien Allah va lui pardonner tout ce qu'il avait fait comme péché précédemment. Ça c'est une grande récompense, hein? Subhanallah. Que Allah il nous pardonne tous nos péchés précédents, yani subhanallah. Ça c'est une grande récompense. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa akram Allah al-umma fihi bi laylatin ibadatuha khayrun min ibadati alfi shahr wa hiya laylatul qadr. وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول إذا جدوا واجتهدوا في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر منه وتجنبوا كبائر الإثم والفواحش وتصدوا لهذه الفضيلة التي طوى الله سبحانه وتعالى وقتها بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إشارات كقوله التمسوها في العشر الأواخر. Donc le cheikh il dit que dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré cette umma avec une nuit spéciale dans le mois de Ramadan, que son adoration, l'adoration que tu fais dans cette nuit-là, elle a la valeur d'une adoration durant 1000 mois. Et c'est la nuit de la prédestinée, de la destinée. La nuit de la destinée, et c'est une des particularités de la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager, et qui ont été sérieux et qui ont fait des efforts dans le Ramadan, et en particulier dans les 10 dernières nuits du Ramadan, qui se sont écartés des grands péchés et des turpitudes, et qui ont fait des efforts pour trouver cette grâce et ce mérite que Allah nous a caché, dont Allah nous a caché le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a seulement montré ou donné quelques indications, mais il ne nous a pas dit exactement c'était quel jour. Il a seulement dit cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Et il a mentionné, le cheikh il dit wa dhakara laylata 21 wa laylata 23 wa laylata 25 wa laylata 27 wa 29. والسر في إخفائها والله أعلم لتجتهد الأمة في الطاعة والعبادة في الشهر كله لا سيما في العشر الأخيرة من الشهر إتقانا للصوم واجتهادا في القيام وتفرغا للعبادة وتلاوة للقرآن إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي هي غذاء للأرواح وحياة للقلوب فمن وفق لهذه الليلة فقد ظفر بعبادة ما يزيد على 80 سنة على عبادة ما يزيد على 80 سنة فالحمد لله على عموم فضله وكثرة إحسانه. Donc le cheikh il dit c'est la nuit du 21 ou du 23 ou du 25 ou du 29 ou du 20 du 27 ou du 29 pour la nuit de la destinée. Et il dit le secret pourquoi cette nuit a été cachée et qu'on ne connaît pas la date exacte, parce qu'aujourd'hui, tu vois, les musulmans, ils sont convaincus presque que c'est la 27e nuit. Donc, quand c'est la 27e nuit, ils amènent le couscous à la mosquée, ils amènent la nourriture et ils font des... C'est devenu comme une sorte de fête, maintenant. Hein? Ils passent la nuit à la mosquée, le reste de l'année, tu ne les vois pas. Hein? C'est devenu comme ils viennent que pour cette nuit-là. Comme s'il dit, bon, si je peux avoir les Laylatul Qadr, je n'ai pas besoin de prier pour les 80 années à venir. Hein? Allah musta'an. Donc, ça, c'est vraiment ridicule. Mais bon, Allah musta'an, quand des gens ils veulent uniquement suivre leur passion, là, ils cherchent n'importe quel moyen. Hein? Donc, c'est ça qui arrive. Et le cheikh, il dit, ça, c'est pour, au contraire, pour que les musulmans fassent des efforts pour la trouver. Hein? Et qu'il prie dans le mois au complet, mais en particulier dans les 10 dernières nuits, comme ça il reste, debout pour prier la nuit, pour faire des efforts, pour essayer d'avoir cette nuit-là, pour se libérer, pour faire de l'adoration, la lecture du Coran et beaucoup d'autres formes d'adoration. Et ça, c'est de la nourriture pour l'âme, c'est de la nourriture pour l'âme et une vie pour les cœurs. Hein, c'est ça qui fait vivre les cœurs. Aujourd'hui, les êtres humains, ils pensent juste à nourrir leur corps. Manger, manger, manger tout le temps. Ils pensent pas à nourrir leur cœur avec la connaissance de la religion d'Allah, l'adoration. Et tu vois que les koufars, maintenant, comme ici, comme ils veulent mettre la religion comme si à l'écart de la vie des gens, comme si que la religion, elle a plus d'importance dans la vie des gens. Et tu vois que tout ce qui est au centre de la vie sociale des gens, c'est juste les choses économiques. Le commerce, puis la dunya. Donc, c'est comme pour dire, il n'y a plus rien qui réunit les hommes, excepté les affaires commerciales. C'est sur ça que la société maintenant elle est basée. Tandis que pour les musulmans, hein, c'est la vie spirituelle qui les réunit. Et c'est la vie spirituelle qui est au centre de leur vie. C'est toute la différence. Et c'est ça qui est étonnant. Parce que tu vois, c'est pour ça que même les koufars, par exemple, quand ils essaient de faire de la politique parmi les musulmans, ils essaient de venir influencer les musulmans dans les histoires de vote qu'ils ont ramenées. Où est-ce qu'ils vont rencontrer les musulmans? Dans les mosquées. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autre endroit où ils vont trouver les musulmans rassemblés, excepté dans les mosquées. Mais pour eux, où est-ce qu'ils se réunissent? Ils se réunissent n'importe où ailleurs, hein? Mais c'est triste que des musulmans les laissent entrer là, parce que si tu vois, même chez les koufars, par exemple, les catholiques ou autres, tu vas jamais voir un politicien aller faire une campagne dans l'église pour dire aux gens votez pour moi, jamais. Même, je sais pas pour les juifs, Allahu a'lam, parce que eux, je connais pas leur pratique, mais ils rentrent pas dans les synagogues, commencer à dire, ah oui, ils vont dans les synagogues. Bon, ça, c'est les juifs, eux, c'est, comme on dit, c'est leurs affaires. Mais de faire ça, là, d'amener des koufars dans la mosquée, ou même des musulmans qui rentrent dans leur politique, faire ça, c'est pas acceptable. Donc, nous, dans notre religion, c'est, le lieu de rencontre et le centre de notre société et le cœur de notre vie sociale, c'est la mosquée. C'est central, c'est fondamental, c'est principal, c'est primordial et ça a la plus grande importance pour nous. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à la ville de Médine, quand il a fait la hijra, c'est d'établir la mosquée et de construire la mosquée. Ça veut dire que c'est ça qui est le plus important pour nous, pas d'autre chose. Donc, tout le reste, après, ça se construit autour. Et si tu vois les business des musulmans, souvent c'est comme ils commencent à construire les mosquées en premier, puis après autour ils font les autres choses. Hein, les écoles, les trucs, les... après les commerces. Et tout ça tourne autour de la mosquée. Et tout autour il y a les habitations. Machallah. Mais non, c'est ça, les gens ils ont besoin de, d'adorer Allah. Et si la mosquée est à 200 km, à chaque fois, t'es obligé de faire un voyage pour aller prier, c'est pas intéressant, tu vois. Tandis que la mosquée est dans le quartier, dans chaque quartier, il y a une mosquée. Même, je me rappelle, en Arabie Saoudite, subhanallah, il y a plein de mosquées partout. C'est-à-dire qu'à une distance de marche, il y en a de moins de 5 minutes, il y aura une mosquée pour aller prier. Ben oui. Il y en a 5 minutes de marche, tu trouves une mosquée. Prie tous à la même heure. Mais parce que c'est... Oui. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des maisons partout. Des quartiers avec des immeubles. Les gens, ils ont besoin d'une mosquée. Bon, c'est sûr, il y a des endroits où il y a moins. Comme s'il y a des mosquées plus éloignées. Mais il y en a des endroits, oui, tu vas trouver une mosquée là, une mosquée là-bas, une mosquée là-bas. Oui. Pour adorer Allah, c'est facile. Il n'y a pas de, t'as pas d'excuse. Tu peux dire, ah, la mosquée, c'est loin, je ne peux pas y aller. Tu sors de chez toi, tu entends l'adhan, tu vois la mosquée, tu vois la mosquée là, tu vois la mosquée là. Et là, quand tu vois par exemple ici, par exemple, le nombre de musulmans qu'il y a, c'est vraiment beaucoup maintenant. Et le nombre de mosquées, c'est peu. Mais quand tu vas le vendredi, c'est là que tu vois. Tu vois que beaucoup de mosquées le vendredi sont tellement remplies. Il n'y a même pas de place pour rentrer. Mais le reste de la semaine, bon, c'est autre chose. Mais c'est pour dire que les koufars, maintenant, j'ai trouvé qu'ils mettent ça difficile pour les musulmans d'ouvrir des mosquées. Et ils donnent des difficultés. Puis eux, ils créent des règles, des codes de civils, avec des zonages. Et ils disent, ici, non, ici, tu ne peux pas faire un lieu de culte. Ici, tu peux faire un lieu de culte. Ici, tu ne peux pas faire un lieu de culte. Et tu regardes où est-ce que tu peux faire un lieu de culte, tu dis, mais ça se peut pas, on peut pas faire des lieux de culte à ces endroits-là, il n'y a personne qui habite là. C'est des endroits où il y a des... Il y en a, c'est aux limites de la ville, il y en a à l'extrémité, là. Comme s'il n'y a personne qui habite dans ces endroits-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent faire tout pour éloigner la religion des endroits centrales, importants, où les gens sont, où les gens vivent. Et la religion musulmane, c'est une religion vivante. C'est une religion qui vit avec les gens, qui est dans la vie des gens présentes. C'est pas une religion absente que tu pratiques une journée par semaine. Comme les chrétiens, ils vont une fois à l'église le dimanche matin, puis ça y est. Mais la religion musulmane, on prie 5 fois par jour. Et on est supposé de prier 5 fois par jour à la mosquée, en groupe, à chaque prière. Donc, c'est pas ça. On peut pas juste dire, non, on veut... aller à une mosquée qui est à 10 km pour aller prier, hein, ça fait pas de sens. En plus, on se lève la nuit pour prier à la mosquée, c'est-à-dire dans la prière de Fajr. Des fois, la prière est à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Les chrétiens vont pas à l'église à 4h du matin ou 5h du matin. Donc, eux, ils veulent toujours essayer de comparer les religions ensemble, mais la religion musulmane est différente. Et donc, pour nous, ça, c'est pas pareil. Donc, ils ne prennent pas ça en considération, tu vois. Mais bon, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande qu'il nous aide et qu'il nous facilite les choses. Parce que quand on veut adorer Allah, il nous facilite toujours les choses. Quand on veut, qu'est-ce qu'on veut, on est sincère puis qu'on veut adorer Allah, Allah, il nous facilite toujours son adoration. Hein? Bah oui, aussi, on est éprouvé, comme tu dis. Barakallahu fik. Donc, le cheikh, il dit que celui qui prie dans la nuit de la destinée, il a accumulé, donc, il a une récompense d'adoration qui dépasse la valeur de 80 ans d'adoration. Et ça, ça montre, alhamdoulilah, la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur de ses bienfaits. Après, il parle du hajj. Il dit « Wahajjul bayt » « Wahajjul bayt illahi al-haram » Il dit « Wa'amma al-hajj faqad faradahu Allahu azza wa jal wa ja'alahu ruknan min arkan islamina » وقيد فرضيته أو فرضيته بالاستطاعة والمستطيع هو الذي يملك زادا وراحلة وتأمينا لمن وراءه وظفر بأمن الطريق فهو المستطيع. Donc le cheikh il dit que le hajj c'est quelque chose que Allah a ordonné, c'est devenu, il l'a rendu obligatoire et il en a fait un des piliers de notre islam. Et il a restreint cette obligation-là à la capacité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la capacité. Et c'est qui la personne qui a la capacité de faire le hajj? C'est celui qui possède la provision. Donc il a sa provision pour la nourriture, pour son voyage. Il a sa monture. C'est-à-dire qu'il a un moyen de transport pour y aller. Troisièmement, c'est celui qui a laissé les gens de sa famille derrière lui en sécurité. C'est-à-dire il leur a laissé qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre durant son absence, et il est sur un chemin sécurisé, c'est-à-dire que son chemin pour aller vers là-bas, c'est un chemin il va être en sécurité dessus. C'est lui qui est celui qui a la capacité. Celui qui a la capacité puis qui ne le fait pas, il est dans le péché. Il est considéré comme un musulman pécheur. Parce que tu n'as pas le droit de retarder ton hajj sans une excuse valable. Si tu le retardes, alors tu as commis un péché. Dans ce cas-là. Et le cheikh, il dit, ce qu'il dit ensuite, « وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَوِّفَ أَوْ يُؤَجِّلْ إِنَّمَا يُبَادِرْ وَيُسَارِعْ لأنه لا يعلم ما في المستقبل من العوائق. Donc le cheikh il dit que c'est pas permis pour quelqu'un de dire comme ah oh, je vais le faire plus tard, ou bien de retarder comme ça sans raison, sans excuse valable. Parce que il doit se précipiter et se dépêcher à le faire parce qu'il sait pas demain qu'est-ce qui va y arriver, est-ce qu'il va avoir des empêchements, est-ce qu'il va être malade, est-ce qu'il va être ci et ça. Donc, ça c'est important. Hein? Et après le cheikh il dit والعلماء يختلفون في فرض الحج هل هو على الفور أو على التراخي. Donc le cheikh il dit que les ulama ils ont divergence sur la question de l'obligation du hajj. Est-ce que c'est immédiatement que c'est obligatoire ou est-ce que tu as la possibilité de retarder? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est permis de le faire quand tu vas vouloir le faire plus tard. Et le cheikh il dit والذي عليه جمهور أهل العلم بأنه على الفور. C'est-à-dire c'est aussitôt que tu as la capacité que tu dois absolument y aller. C'est pas quelque chose que tu as le droit de retarder comme ça sans limite. Donc quand tu as la capacité puis que tu es capable, tu dois le faire. بمعنى أنك إذا متى استطعت وتمكنت لا يجوز لك أن تؤجله ولا يجوز لك أن تماطل اللهم إلا من عذر غير أنه لا يلزم من تعمد التأخير عدم القبول إذا أتى به في حياته. Donc le cheikh il dit, les savants ils disent tu dois le faire tout de suite. C'est-à-dire quand tu as la capacité puis t'es capable, tu dois le faire, tu dois pas le retarder, tu dois pas attendre, hein, sauf si tu as une excuse. Le cheikh il dit sauf si tu as une excuse, et il dit mais par contre si tu as fait exprès de le retarder sans excuse valable, ça veut pas dire que ton hajj va pas être accepté si tu le fais plus tard. Mais par contre tu as commis un péché. Hein? Par contre, tu as commis un péché parce que tu ne l'as pas fait. Lorsque tu avais la capacité, tu l'as retardé. Et les gens, avant, ils prenaient l'habitude de laisser tarder, jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Hein? Et je ne sais pas pourquoi. Soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens, soit parce que c'était difficile, ou bien soit parce qu'ils pensaient que, étant donné que le hajj c'était une grande, grande adoration pour eux, donc ils disent, je le fais quand je vais être vieux, comme ça je vais aller au paradis, hein? Comme ça, il y en a, si je meurs après, je vais aller au paradis. C'est-à-dire que c'est une adoration, tu dois le faire quand tu es jeune, quand tu as la force. Surtout que c'est difficile le hajj, c'est pas facile. C'est dur le hajj, wallahi. Même pour nous, on est jeunes et puis c'est dur. Imagine pour des vieux. Donc, l'affaire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le hajj mabrour, il n'y a pas de récompense pour le hajj mabrour, excepté le paradis. Le hajj mabrour, c'est le hajj que Allah accepte. Sauf que tu peux le faire jeune, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir vieux ou jeune, tu ne sais pas. Peut-être tu vas dire, moi je vais attendre quand je vais être vieux, je vais le faire. Mais peut-être tu ne vas même pas vivre vieux. Peut-être tu vas mourir dans 10 ans, dans 5 ans. Donc il faut le faire aussitôt que possible. Mais quand même, c'est vrai que si toi tu as les moyens d'y aller, puis que tu n'as pas le moyen d'amener ta femme cette année, ben au moins toi tu le fais, comme ça, ça fait que ton hajj à toi, l'obligation, il est réglé. Puis par la suite, quand tu auras plus de moyens, ben, tu pourras le faire pour envoyer pour y aller, toi et ta femme. Bien sûr. Mais parce que c'est une obligation pour tous les musulmans, hommes et femmes. Hein, oui, c'est un pilier de l'islam pour tout le monde. Mais si tu ramènes ta femme, tu auras la récompense de ta femme. Hein, pour l'avoir amené. Donc c'est une récompense pour toi aussi. Et même si tu amènes un enfant avec toi et qu'il n'a pas l'âge de faire le hajj, mais tu as la récompense quand même. Subhanallah. Même si ça ne compte pas pour l'enfant, il devra le refaire quand il va être pubère, après la puberté, mais quand même c'est une récompense. Puis aussi, si quelqu'un ne peut pas y aller, il n'a pas la capacité physique d'y aller, mais qu'il a les moyens économiques, il a l'argent, il peut payer quelqu'un pour aller faire le hajj à sa place. Et ça va compter pour lui. Hein? Ça aussi, c'est une possibilité. Que par exemple, tes parents sont devenus vieux et malades, ne peuvent plus voyager. Et toi, tu es en forme, tu es capable. Tes parents, ils ont l'argent, ils te disent, bon, écoute, moi, je suis vieux, je ne suis pas capable d'y aller. Toi, tu peux y aller, vas-y pour moi, je te donne l'argent, puis tu fais le hajj à ma place. Et quand tu vas faire la talbiya, quand tu vas rentrer pour mettre l'ihram, tu vas dire, يعني اللهم حجا وعمرة حجا يعني عن فلان, يعني tu vas dire le nom de la personne pour qui tu le fais, et là ça va compter pour cette personne là toi aussi tu as la récompense de le faire du fait que tu as la récompense de le faire pour cette personne là parce que c'est une bonne action, mais tu as la récompense du fait que tu fais une bonne action pour quelqu'un, tu vois. Non, t'as pas le droit de faire pour quelqu'un si tu l'as pas déjà fait pour toi-même. Tu comprends? Oui, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, l'homme, il avait fait le hajj, il dit, Allahumma hajjan an shibrima. Un homme, il faisait le hajj pour quelqu'un qui s'appelait Shibrima. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que t'as fait le hajj pour toi-même? Il a dit non. Alors il dit, hajj an nafsik, thumma hajj an shibrima. Il dit, fais le hajj pour toi-même, et après, tu feras le hajj pour Shibrima. Mais tu ne peux pas faire pour quelqu'un si tu ne l'as pas fait pour toi en premier. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'à notre époque, les gens ils ont négligé. Mais alhamdoulilah, il y a des frères, ils ont compris l'importance. Et puis, du moment qu'ils ont compris, ils partent faire le hajj. Et nous, ici au Canada, on est tellement loin de Mecca. Donc ça coûte cher, le billet, l'hôtel, tout. Ça coûte très très cher. Hein, 7 000, donc... Là-bas, les frères en Europe, il y en a qui partent chaque année. Parce que c'est comme la moitié du prix pour eux. Donc, même pour eux, ils disent que c'est cher, imagine. Donc, alors imagine nous. Ouais, donc il faut dire aux gens, venez pas vivre au Canada parce que vous allez être loin de la Mecque. Vous allez être loin des ulama. Moi, quand je suis allé faire le hajj, la Umrah en 2010, là, J'ai regretté que je vivais au Canada. Parce que j'ai vu que ça faisait 10 ans que j'avais pas vu Médine, que j'avais pas vu les ulama, que j'avais pas vu Mecca. Des chouyours que j'ai quittés, ils avaient la barbe noire. Quand je suis retourné, ils avaient la barbe blanche. J'ai dit non, ça se peut pas, ça fait 10 ans que je suis pas venu. Et ça là, c'est vraiment incroyable. Et quand j'ai vu ça, ça vaut la peine, franchement. Si tu peux pas habiter en Arabie Saoudite, au moins tu habites proche, comme ça tu peux y aller facilement, tu vois. Il y en a qui partent en voiture, je me rappelle, j'écoutais une cassette de Cheikh Al-Albani où il partait faire je sais pas s'il allait faire le Hajj ou la Umra, mais il était dans la voiture, puis il s'enregistrait pendant qu'il était dans la voiture, il faisait le talbiya. C'était vraiment beau d'entendre ça, mashallah. En tout cas, Allah musta'an. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici, et il dit wa ba'da an dhakara al mu'allif rahimahullah arkan al islam al khamsa dhakara adillata kulli ruknin min arkanha li an ism al kitab al thalatha al usul al thalathatu al usul wa adillatuha wa qala huna. Donc c'est ça. Le cheikh, il dit qu'après avoir mentionné les 5 piliers, il a mentionné les preuves de chacun des piliers. Parce que le livre s'appelle « Les 3 fondements et ses preuves ». Donc, il doit mentionner les preuves. Donc, il a mentionné, le cheikh, il mentionne les preuves pour chacun des piliers. Même si on a déjà expliqué tout ça dans les points précédents, le cheikh, il le répète encore. Bon, comme on dit, le rappel, c'est bénéfique pour le croyant. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc le cheikh il dit فالشهادة فدليل الشهادة فدليل الشهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهي أعظم شهادة وأجلها ولأنها شهادة من الله لله على توحيده والجملة تؤدي معنى لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو فالأولى تنفى جميع ما يعبد من دون الله والجملة الأخيرة إلا الله بمعنى إلا الله فتثبت جميع العبادة لله وحده دون سواه. Donc le cheikh il dit que la preuve du témoignage, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, eh bien c'est dans la parole d'Allah. La preuve c'est dans le verset 18 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges ont témoigné aussi, et ceux qui détiennent la science en toute justice, établie sur la justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le puissant, le sage. Donc ça c'est le plus grand témoignage et le plus majestueux des témoignages, parce que c'est un témoignage de la part d'Allah pour Allah et à propos de son tawhid, à propos de son unicité. Donc la première phrase c'est la signification de la ilaha illallah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc la première partie nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et la deuxième phrase, eh bien, elle affirme illahu, c'est-à-dire elle affirme que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré en dehors de tout autre. Ensuite, le cheikh il dit wa shahida bi hadhihi ash-shahada ta'assiyan billahi azza wa jal wa ta'atan lahu. الملائكة الكرام شهدوا كلهم بأن الله لا إله إلا هو فهو الذي يجب أن يعبد وحده ويطاع وحده ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وهذه منقبة عظيمة لملائكة الله الكرام لأن الله قارن شهادتهم بشهادته مباشرة. Donc le cheikh il dit que yani, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala a fait témoigner de ce témoignage ses anges. Il a fait témoigner par rapport à son témoignage à lui les anges, et ils font ce témoignage là pour Allah eux aussi, par obéissance pour Allah, et ils témoignent tous les anges témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré lui seul, et qu'il doit être adoré lui seul, et qu'il doit être obéi lui seul, et qu'il doit être remercié, et qu'on ne doit pas être ingrat envers lui, qu'il doit être on doit se rappeler de lui, on ne doit pas l'oublier, et ça c'est un niveau élevé et un éloge pour les anges. Hein? Lorsque Allah les a associés, les a incorporés dans le témoignage qu'il a fait pour de lui-même, de son unicité. Donc du fait qu'il les a inclus parmi ceux qui témoignent de son unicité avec lui, donc ça c'est un témoignage pour les honorer, c'est-à-dire qu'il les a inclus et fait participer dans ce témoignage-là pour montrer leur mérite. Et les anges, donc le cheikh dit al-mala'ika kama sabaqa ma'ana 'alimun aw 'alamun min jumlati al-awalim خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا وجعلهم على أعمال لا يقوم بها سواهم جاءت موضحة في نصوص الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que les anges, comme on l'a dit précédemment, c'est un monde parmi les différents mondes que Allah a créés, et il les a créés de lumière, et il les a créés, et que dans leur nature, ils sont obligés d'obéir à Allah. Ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir à Allah. Et ils n'ont pas ils n'ont pas de moyen de désobéir à Allah. Ils ne peuvent jamais désobéir à Allah. C'est-à-dire que pour eux, la désobéissance à Allah, c'est impossible. Parce que Allah les a créés obéissants. Et il les a rendus responsables de faire certains travaux ou certaines tâches. C'est seulement eux qui peuvent les faire. Comme ça a été expliqué dans le Coran et dans la Sunna. Et le Cheikh, il dit: وَأَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي آيَاتٍ كَرِيمَاتٍ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلَهُمْ كَذَلِكَ فقال الله في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهكذا ذكرهم بقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني الملائكة وهكذا وصفهم الله بطول القنوت وحسن الطاعة فقال يسبحون الليل والنهار ولا يفترون يعني لا يملون ولا يقصرون. Le cheikh il dit qu'Allah il a fait l'éloge des anges dans plusieurs nobles versets, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi leur mérite. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans verset 6 dans sourate Tahrim: ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'ils ont ordonné de faire. Et dans le verset 38 dans sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous vous enflez d'orgueil, sachez que auprès d'Allah il y a des anges qui glorifient ou qui font la glorification de leur Seigneur, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour. Et ils ne vont jamais s'ennuyer, mais comme si ils vont jamais se lasser de le faire. Donc ils font le tasbih tout le temps et ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, et ils vont jamais se lasser ou trouver ça ennuyant ou fatigant. Non, eux c'est comme ça qu'Allah les a créés, pour le tasbih. Donc ça c'est la preuve que si les êtres humains cessaient tous d'adorer Allah puis devenaient tous des kuffars, ça enlève rien à Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges, ils adorent Allah plus que les êtres humains. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le shaykh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, wa athna Allahu alayhim, athna Allahu alayhim li nushihim li ibadillahi al-mu'minin حيث يستغفرون لهم وهم لا يشعرون ولكنهم يعملون ويعتقدون ويبتغون من الله تبارك وتعالى لهم الفوز لهم الفوز العظيم بجنات النعيم كما في سورة غافر في مطلعها حيث قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Naam. Donc le cheikh il dit, de même que les anges, eh bien, ils sont comme sincères envers les serviteurs d'Allah, les croyants. Ils demandent pardon pour les croyants. Les anges demandent pardon pour les croyants. Et ils demandent pardon à Allah pour les croyants, alors que les croyants, eux, ne sont même pas conscients de ça. Ça veut dire que peut-être qu'en ce moment-là, il y a peut-être des anges qui sont en train de demander pardon à Allah pour toi, et toi tu le sais même pas. Subhanallah. Donc, eux, ils demandent pardon pour les croyants, et ils agissent, ils croient, et ils recherchent l'agrément d'Allah, hein, et ils demandent tout ça pour le croyant. Hein, ils demandent pour les croyants les délices du paradis. Et comme Allah il le mentionne dans le début de Surat Ghafir, le cheikh il dit donc il cite ce verset là, puis en français ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux, c'est-à-dire les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour tous ceux qui croient. Donc on a la preuve que c'est vrai que les anges ils font des doigts pour les croyants. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde, hein, et ta science. Pardonne donc. Ça, c'est le doigt que les anges font. Ils disent, Seigneur, Rabbana, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, faghfir lilladhina tabu, wattabi'u sabilaka, waqihim azab al-jahim. Hein? Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-le du châtiment de l'enfer. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. C'est ça. Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant et le sage. Et c'est pas fini. Il dit, et waqihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'at yawma idhin faqad rahimta wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Donc il dit, et préserve-les du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions ce jour-là, tu lui feras miséricorde, et c'est là l'énorme succès. Donc, ça c'est le doigt des anges pour les croyants. Ça c'est une grande grâce, yani, subhanallah. Mais on n'a pas le droit de demander aux anges de faire des doigts pour nous. Il faut demander à Allah qu'il nous donne du bien et qu'il nous préserve du mal. Et Allah va nous envoyer des anges pour nous protéger, ou bien il va demander ou dire à ces anges quoi faire. Mais ce n'est pas à nous de demander aux anges, parce que les anges, on ne les voit pas, et on n'a pas le droit de demander à autre qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, c'est du shirk. Hein? Si on demande aux anges, ça c'est du shirk. Et le cheikh, il dit... نعم يعني وهكذا وصفهم الله بطول القنوط. الله les a décrits comme étant des anges qui restent longtemps dans l'obéissance et dans l'obéissance et dans la prière. فقال يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. Ils prient jour et nuit et ils ne cessent jamais. Ils ne prennent pas des pauses ou du repos, s'arrêtent pour. Hein? Non, ils sont tout le temps en train d'adorer, tout le temps sans arrêt. Ils ne se fatiguent pas. Ce n'est pas comme nous. Nous, on prie, on se fatigue vite. Hein? Des fois, on ne prie même pas. Hein? Des fois, on prie, mais pas avec toute la concentration qu'on devrait avoir et la présence du cœur. Donc, les anges, non. Les anges, ils sont là, puis toujours, hein, toujours à l'ordre d'Allah. Comme Allah leur ordonne, ils obéissent automatiquement. Donc, c'est ça, parce qu'ils ont demandé pardon pour les croyants. ولما استغفر أو لما ذكر استغفار ذكر كيفيته يستغفرون للذين آمنوا قائلين. Donc il a mentionné le dua au complet, qu'est-ce qu'on a lu. Puis après le cheikh il dit وذكر منهم استرسال الاسترسال أو استرسال في الدعاء وإلحاح فيه رحمة بأهل الإيمان الذين قد يعثرون في الخطأ ويقعون في المعصية ولكنهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم نادمين فهم يستغفرون الله والملائكة الكرام يستغفرون لهم والله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. Donc c'est ça, ils font des longs dua pour les croyants et ils sont sincères dans ces dua qu'ils font pour les croyants par miséricorde pour les croyants qui font des erreurs, qui font des péchés, parfois ils tombent dans les péchés mais qui se repentent à Allah, qui reviennent à leur Seigneur avec remords, eh bien, les anges demandent pardon pour eux, les anges qui demandent pardon pour les croyants, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wa ulil ilmi, c'est-à-dire les savants, les hommes de science, ceux qui détiennent la science, eux aussi, eh bien, ils témoignent que Allah est unique et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que rien d'autre que lui ne mérite l'adoration. Hein? Avec les anges aussi. Ils témoignent eux aussi ainsi que les anges, hein, les anges et ainsi que eux. Donc le cheikh il mentionne les hommes de science ici pour dire par rapport à ce qui a été dit dans le verset qu'on a lu au début, c'est-à-dire la preuve du témoignage de la ilaha illallah, le verset 18 dans sourate Al-Imran, que avec les anges, il y a aussi les hommes de science qui sont mentionnés dans le témoignage que Allah fait de son unicité. Il dit وَشَهِدَ أُولُو الْعِلْمِ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَهَذِهِ أَيْضًا مَنْقَبَةٌ مِنَ الْمَنَاقِبِ الْعَظِيمَ لِلْعُلَمَاءِ وَلِطُلَّابِ الْعِلْمِ عَلَى عُمُومِ عُلَمَاءِ ومتعلمين منقبة شريفة ومنزلة عالية ورفيعة لأن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادة ملائكته المعطوف على شهادته سبحانه وتعالى فلو علم الناس ما في العلم من الفضل والشرف والخير الدنيوي والبرزخي والأخروي لتسابقوا إليه وتنافسوا في تحصيله وسلكوا طريقه ما دامت الروح في الجسد وليس لذلك منتهى حتى يأتي اليقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que les hommes de science témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une éloge énorme, une grande éloge pour les ulama et les tulab al-ilm. Hein? Les tulab al-ilm, les gens qui recherchent la science de l'islam. Et quand on vient, on écoute des durus, on s'assoit avec des ulama, ou on écoute des durus des ulama, on lit les livres des ulama, on essaie d'apprendre notre religion, on essaie d'augmenter notre compréhension de l'islam, on devient des tulab al-ilm. Hein? Et donc, on rentre dans ceux qui ont l'éloge ici, on rentre dans ceux qui auront l'éloge ici du fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et donc, le cheikh, il dit que cet éloge, donc, elle rentre, tous les hommes de science rentrent dans cet éloge, hein, les ulama, les gens qui apprennent, les tulab al-ilm. Donc c'est une belle caractéristique noble et un niveau élevé, hein, que Allah nous donne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé son témoignage, hein, il a associé, pardon, leur témoignage au témoignage des anges, qui lui-même est relié à son propre témoignage lui-même de son unicité dans le verset. Puisque Allah dit, شهد الله, c'est-à-dire Allah a témoigné, والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو, c'est-à-dire Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, والملائكة, hein, وملائكته, c'est-à-dire ainsi que ses anges, وأولو العلم قائما بالقسط, c'est-à-dire ainsi que ceux qui ont détenu la science, hein. Donc Allah a fait que son témoignage soit mentionné et après le témoignage des anges et des hommes de science. Hein? Donc c'est pour dire que les hommes de science, c'est une catégorie parmi les êtres humains qui est à part. Il n'est pas une catégorie qui est au même degré que tous les autres êtres humains. Après les prophètes, après les messagers, il y a le degré des hommes de science. Hein? Et qu'ils ne sont pas n'importe quel degré, c'est des degrés plus élevés. Et qu'on leur doit le respect et on doit les aimer. Et on doit les honorer, hein, pour le bien qu'ils font et pour la science qu'ils diffusent de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit que si les hommes connaissaient et savaient ce qu'il y a comme mérite dans la science et qu'est-ce qu'il y a comme honneur et comme bien dans la science par rapport à la dunya, par rapport au barzakh, c'est-à-dire quand tu es dans ta tombe, avant le jugement dernier, et par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, c'est-à-dire après la résurrection, si tu savais le mérite de la science dans ces trois demeures, hein, ben les hommes, ils se seraient précipités, ils auraient fait la course entre eux pour avoir cette science. Tellement c'est une chose qui est élevée et grande et importante. Ils se seraient fait la compétition les uns les autres pour l'obtenir, cette science. Mais étant donné que beaucoup d'entre nous, on est parfois insouciant et indifférent, eh bien, on néglige cet important aspect et on ne cherche pas la science suffisamment. Et donc, il faut chercher et prendre le chemin de la science. Tant que tu as un âme dans ton corps, il faut chercher la science et il n'y a pas de limite à ça, jusqu'à la mort. Hein? Il faut chercher la science jusqu'à la mort. Et le cheikh, il dit, والمراد بأولي العلم أي أهل العلم الشرعي هذه الشهادة التي شهد الله بها لنفسه وشهد بها الملائكة الكرام وشهد بها أولو العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم بين المؤلف معنى مع المعنى باختصار. Donc le cheikh, il dit que on parle dans des hommes de science, on parle des hommes de science de la charia. On parle pas des gens qui sont docteurs en physique ou en chimie ou en biologie ou en économie ou en architecture. On parle des hommes de science de la charia. Et c'est de ceux-là que Allah parle. Et des fois, tu écoutes des imams dans certaines mosquées à Montréal ou ailleurs, et puis ils te disent que cette science, c'est toutes les sciences que tu peux étudier, même à l'université, chez les koufars. Non, ça c'est pas vrai. La science dont Allah parle et dont il fait l'éloge dans ce verset, c'est uniquement la science de la charia d'Allah. Parce que, hein, c'est le verset 18 dans Sourate Al-Imran. Et c'est pas seulement dans ce verset-là qu'il parle de la science. Il y a plusieurs versets ailleurs où il parle de la science aussi. Sauf que c'est pour dire que là, lorsque Allah parle de la science dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la science dans la Sunna, il parle pas de la science des kuffars ou la science qui est dans la dunya. et il parle uniquement de la science du Coran et de la Sunna et de la Sharia. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'apprendre la science de la dunya. Non, c'est bien de l'apprendre, mais c'est pas de ça que Allah a fait l'éloge dans le Coran. La science dont Allah a fait l'éloge dans le Coran, c'est la science de la Sharia, parce que c'est la plus haute des sciences, la plus importante des sciences, la plus bénéfique des sciences, la plus grande des sciences, la plus noble des sciences, puisque c'est la science qui t'amène au paradis, qui t'amène à connaître ton Créateur, qui t'amène à connaître qui il est, qui t'amène à connaître comment l'adorer, qui t'amène à connaître comment faire pour aller à son paradis, comment être sauvé de son châtiment, comment être préservé de l'enfer, et ainsi de suite. À savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est mauvais pour toi, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram. Si tu ne connais pas la religion d'Allah, tu ne peux pas savoir tout ça. Mais si tu connais, même si tu as un diplôme en physique ou en astrophysique ou en, je sais pas, médecine nucléaire, mais tu n'as pas appris qui est ton Créateur et pourquoi tu existes et comment tu l'adores et qu'est-ce qui va t'arriver après ta mort et tout ça, ça ne t'a servi à rien de savoir tout ça si tu n'as pas su les choses les plus importantes par rapport à ta foi et à ta religion. Donc c'est pour ça qu'on dit la science dont Allah parle ici et dont il a fait l'éloge ici, c'est la science de la religion et non pas de la dunya. D'accord? Et il dit donc que cette science elle est tellement importante que Allah il a fait l'éloge des hommes de science en les mentionnant parmi ceux qui font le témoignage de l'unicité d'Allah. Après que Allah ait fait ce témoignage-là pour lui-même et qu'il a mentionné le témoignage de ses nobles anges, eh bien, il a fait témoigner aussi les hommes de science, ceux qui connaissent le livre d'Allah et qui connaissent la sunna de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et il a dit ensuite, « La ilaha illahu, rien ne mérite d'être adoré, excepté lui, al-aziz al-hakim, le tout-puissant et le sage. » ثم بين المؤلف المعنى باختصار. Ensuite, il a expliqué la signification en détail. Mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce qu'on a quand même fait un bon bout. Puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.